Et maintenant, comme d'habitude, un test. Oui, répondez à la question. Yes, answer the question. Par exemple, en français, qu'est-ce que c'est « it's quite far » Donnez votre réponse pendant la pause. In the pause, give your answer. En français, c'est assez loin. Répondez, écoutez la bonne réponse et répétez. D'accord? Oui, d'accord. Vous commencez? En français, qu'est-ce que c'est « on the left » En français, c'est « sur la gauche ». En anglais, qu'est-ce que c'est « c'est assez loin » En anglais, c'est « it's quite far ». En français, qu'est-ce que c'est « there » En français, c'est « là ». Et maintenant, la dernière question. En anglais, qu'est-ce que c'est « sur la droite » En anglais, c'est « on the right ».